Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, la dernière histoire un petit peu sur les westerns, sur l'Amérique, avec Dorothy Johnson, qui est donc une auteure américaine, née le 19 décembre en 1905. Elle est décédée en 1984 dans le Montana. Elle est rédactrice pour des magazines féminins, professeure à l'université et l'auteur de plusieurs nouvelles qui ont été adaptées au cinéma. Eh bien, je vais commencer par un présent sur la piste. Au bout d'un moment, Caleb comprit qu'il était malade et qu'il l'était depuis pas mal de temps. Il se rappelait vaguement que la douleur qui frémissait dans son épaule avait été cuisante. Donc, il devait aller mieux. Et quelqu'un s'était occupé de lui, mais il ne savait pas qui, ni pourquoi cette personne l'avait fait, ni comment il allait la payer. Il y avait une odeur de médicaments, mais qui venait de lui. Plus loin, il pouvait sentir l'odeur des chevaux et il était couché sur du foin. Il s'inquiéta un moment, puis glissa à nouveau dans un sommeil vaporeux. Plus tard, il entendit une voix de jeune fille. « Mais je pourrais m'occuper de lui si tu l'installais dans la maison. » Puis une voix d'homme. « Ça ne serait pas correct. De toute façon, il est encore trop mal pour qu'on le déplace. » Il a dit qu'il était et qui lui avait tiré dessus. « J'en sais pas plus que toi. Un étranger en haillons sans un dollar en poche. En haillons, oui, mais riche aussi. » Cette prise de conscience fit sursauter Caleb et son épaule lui fit mal. Puis la douce chaleur de la certitude se répandit en lui. « J'ai 15 000 $ déposés à la Wells Fargo. C'est pour ça que j'ai été attaqué quelque part là-bas. » Les hommes se sont figurés que j'emportais l'or moi-même. Quand l'homme revint et posa une main sur le front de Caleb pour estimer sa fièvre, Caleb demanda « Quel est cet endroit ?»« L'écurie de Fenton, » répondit l'homme. « C'était Fort Fenton avant. Mes garçons vous ont trouvé dans le pré, ils vous ont cru mort. » Caleb murmura. Alors j'ai fait un long, bon bout de chemin après qu'on m'a tiré dessus. J'ai chevauché longtemps, ça doit faire 150 kilomètres, avec une fièvre ardente. Et d'abord, qu'est-ce qui m'a conduit dans cette direction? Je voulais revenir 10 ans en arrière et prouver à quelqu'un que je valais quelque chose malgré tout. Quelqu'un qui n'est sans doute plus là et que de toute façon je haïssais parce que j'étais lâche et qu'elle ne l'était pas. Il voulut lancer à l'homme. « Vous imaginez pas que vous me devez la charité, je peux vous payer grassement. » Mais il savait que ce n'était pas vrai. Une poignée d'or ne peut pas rembourser la bonté, pas plus qu'on ne peut soustraire 3 cochons de 5 pommes. Il avait une dette envers cet homme dont il ne connaissait pas le nom et cette pensée le mettait en rage. L'homme ne le connaissait pas non plus. Il s'occupait de lui, c'était tout. La charité, pensa Caleb. C'est un fardeau pour moi. Il découvrit le nom de l'homme. Pete. Pete Wilson. Il dirigeait l'écurie de louage. Il avait 2 fils, presque adultes, qui traînaient dans le coin parfois. La fille s'appelait Fortune. Quand elle vint avec un pichet de limonade, en faisant semblant de ne pas savoir que Pete était absent juste à ce moment, Caleb dit « Vous n'avez pas l'air assez vieille pour avoir des garçons aussi grands que ceux-là. » Et elle répondit en riant « C'est pas les miens, sauf que je les élève. Je suis la sœur de Pete. » C'était une jolie fille, calme et d'une conversation facile. Quand Caleb fut suffisamment remis, il s'installa à l'hôtel. Mais auparavant, il passa voir le banquier local et prit quelques dispositions. Puis, il paya le docteur. Après quoi, l'hôtelier se montra cordial, bien que Caleb portât toujours les mêmes vêtements. ce dans lequel il était arrivé. Ils étaient propres à présent, ne ressemblaient plus à des haillons depuis qu'il avait été soigneusement raccommodé par Fortune. Alors même qu'il vivait à l'hôtel, Caleb passait beaucoup de temps à l'écurie, bavardant avec Pete ou avec ceux qui étaient là, parce qu'il n'était pas encore capable de faire autre chose. Pete ne posait aucune question, mais il n'avait rien contre le fait de répondre à celle des autres. « Vous êtes là depuis quand ?» demanda Caleb juste pour passer le temps. « Je suis arrivé tout de suite après la guerre. Des gens de ma famille étaient là avant moi. » Je suis déjà venu ici du temps de l'ancien fort, avec un convoi de chariots en route pour l'ouest, dit Caleb spontanément, détestant ce souvenir de ça, mais éprouvant le besoin de le mentionner. Les choses ont changé. Et elles ont changé pour moi, se persuada-t-il. De l'or déposé à la Wells Fargo, je peux à peu près tout avoir. « Mais qu'est-ce que je veux ? Eh bien, simplement prouver à quelqu'un qui était ici autrefois que je vaux quelque chose. Une raison stupide pour revenir dans ce coin, mais il faut bien qu'un œil aille quelque part. » Les garçons de Pete rentrèrent dans la maison de l'autre côté de la rue et Caleb demanda d'une voix indolente « Pourquoi est-ce que le plus jeune boite ? Il a été blessé quand il était bébé. » « Lui en parlez pas, il déteste sa boiterie. »« Il a quel âge ?»« 12 ans. Wesley en a 14. »« Pourquoi vous frissonnez comme ça ? Vous avez froid ?»« Quelqu'un vient de marcher sur ma tombe. Je vais bien. » Mais ils auraient bien pu être ces garçons qui avaient hurlé de terreur il y a 10 ans. Fortune pouvait être la petite fille dont il se souvenait avec jalousie et répulsion, la petite fille à laquelle il voulait prouver quelque chose et qu'il ne désirait pourtant jamais plus revoir. Non, ça ne peut pas être eux, décida Caleb. Ces gens-là ont dû poursuivre leur chemin. Il était à l'hôtel depuis une semaine quand il rassembla assez de courage pour demander à Fortune s'il pourrait l'accompagner à l'église. « Eh bien, j'en serai enchantée, » répondit-elle avec l'air de le penser. « Il y a un service dimanche prochain. Le prêcheur itinérant vient une fois par mois. Je tâcherai de m'habiller un peu mieux qu'aujourd'hui, » promit Caleb. « Une personne peut aller à l'église avec les vêtements qu'elle a, quels qu'ils soient, » dit Fortune d'un ton vigoureux. Il acheta de nouveaux vêtements et une écharpe noire pour tenir de façon convenable et discrète son bras gauche qui ne supportait pas d'être trop bougé. Le dimanche matin dura environ un mois, calcula-t-il avant qu'il soit l'heure d'aller chercher Fortune dans la maison en face de l'écurie. Le neveu de Fortune, Basile, celui qui boitait, déclara « Elle n'est pas encore prête !» Et Fortune, quelque part dans la maison, lança « Si, je suis prête !» mais ne se montra pas avant quelques minutes. Basile et son frère Wesley avaient trouvé Caleb dans un champ, face contre terre, ensanglanté, son cheval au-dessus de lui parce qu'il avait attaché les rênes à son bras valide avant de perdre connaissance. Ils avaient supposé qu'il était mort, mais Basile avait osé le toucher pour se vanter d'avoir touché un mort. À cause de ça, Basile était toujours un peu crispé face à Caleb. Fortune entra dans la cuisine, marchant à petits pas rapides, svelte et nette dans sa robe grise. Elle dit « Bonjour, Caleb », d'un ton très sérieux. Et il répondit « Bonjour, Miss Fortune », et le regretta parce qu'elle esquissa un sourire qui creusa 2 fossettes sur ses joues et que Basile ricana. « Je veux dire Miss Wilson », corrigea-t-il gêné. Il ne l'avait appelée d'aucun nom jusqu'à ce jour. « Vous pouvez m'appeler par mon prénom, » dit-elle, « sans mise devant. » Basile fit remarquer. Elle dit que c'est son infortune de s'appeler Miss Fortune. « C'est ma bonne fortune de l'emmener à l'église, » répliqua Caleb, et il se sentit mieux à propos de tout. « Ce jour-là est le plus important de tous ceux que j'ai connus, » pensa-t-il. « Plus important que le jour où j'ai trouvé des paillettes de couleur dans la poêle à Grizzly Gulch. » Ou que celui où j'ai vendu ma mine. Et il pensa, il espéra que c'était un jour important pour elle aussi. Elle avait le souffle court, tout comme lui. C'était une chose merveilleuse qui s'était produite. Un jour, il était un étranger blessé, gisant dans l'écurie, et le lendemain, il était presque rétabli et Fortune était heureuse de sa compagnie. Ma vie est entrelacée pour de bon avec la sienne maintenant, comprit-il. Pour toujours, même si nous nous séparons à tout jamais. Pour la seule raison que nous nous sommes rencontrés et que je lui plais. À l'église, elle fit en sorte que personne ne cogne son bras en écharpe et il eut envie de la défendre contre les dragons. Mais il n'y avait pas de dragons, sauf si on comptait comme telles les paroissiennes inquisitrices, et c'est Caleb et non Fortune qu'elles attaquèrent de leurs questions. « Je vois que vous alliez mieux. Comment c'est arrivé ?»« 3 hommes m'ont attaqué, madame, et m'ont laissé pour mort. »« À Grizzly Gush, à ce qu'on m'a dit. »« Pas très loin de là. En venant dans cette direction, madame, j'avais pas l'intention de retourner sur mes pas pour retomber sur mes détrousseurs. Alors j'ai chevauché jusqu'ici. » 150 kilomètres de souffrance et d'horreur, de fièvre galopante et de terreur croissante à l'idée qu'il n'allait pas y arriver. Et les fils de Pete Wilson vous ont trouvé. Quelle chance ! Oui, madame, j'ai vraiment eu de la chance. Elles le scrutèrent très attentivement, l'air de rien. S'il pouvait porter de beaux habits maintenant et habiter à l'hôtel, pourquoi était-il arrivé en haillon ? Il avait quitté Grizzly Gulch seul, de nuit, silencieusement, mais les bandits avaient anticipé son départ et lui avaient tendu une embuscade. Pour leur peine, ils avaient récolté une centaine de dollars en poudre d'or. Le reste était parti en diligence avec le transport d'or de la Wells Fargo et se trouvait en sécurité. Mais cela ne regardait pas ces braves dames. « Vous étiez prospecteur ?» demanda l'une d'elles. « Ces derniers temps, j'étais plutôt mineur, madame, » répondit-il. Mais la femme ne connaissait pas la différence entre chercheur de l'or et l'extraire une fois qu'on l'a trouvé. Quelqu'un demanda, « Vous avez l'intention de rester là un moment ?» Mais Fortune intervint, disant qu'il devait rentrer maintenant pour vérifier que les garçons avaient bien mis les pommes de terre à cuire selon ses instructions. Il n'eut donc pas à répondre à cette question. Sur le chemin de la maison Wilson, ils se retrouvèrent à nouveau le souffle court. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ? Une très belle journée. Le soleil brille, mais il ne fait pas trop chaud. Comme la lumière est belle sur les peupliers. Vraiment belle, oui, absolument. » Se trouver l'un près de l'autre était si merveilleux, si important, qu'ils n'arrivaient pas à parler de choses conséquentes. Les garçons avaient mis les pommes de terre à cuire et entretenu le feu. Fortune enfila un tablier à mi-donner, s'affaira au déjeuner du dimanche sous l'œil de Caleb. Regarder Fortune écraser les pommes de terre était une des plus belles choses qu'il ait jamais vues, pensa-t-il. Aussi jolie qu'un flocon d'or montrant son éclat jaune dans une battée de gravier. Fortune dit au garçon. « Allez chercher votre père. On sera prêt dès qu'il aura fini de se débarbouiller. » Quand Pete Wilson s'assit à table avec eux, il devina la situation et Caleb vit son visage changer, s'affaisser de fatigue. « Belle manière de traiter l'homme qui m'a sauvé la vie, » pensa Caleb. « Il a 2 garçons à élever sans leur mère et maintenant il se dit qu'il va perdre la sœur qui s'en occupe. » Peut-être qu'à cause de ça, elle ne partira pas avec moi, si je le lui demandais. Fortune n'est pas une fille qui se déroberait à son devoir. Mais nous ne serions pas obligés de partir, se rappela-t-il. Un homme qui a 15 000 $ à l'abri chez Wells Fargo peut vivre où il l'entend. Caleb était riche, depuis si peu de temps que l'idée l'en choquait encore. Il n'avait, pour ainsi dire, jamais eu l'occasion d'en tirer du plaisir, excepté en achetant un beau cheval alezan à Grizzly Gulch et maintenant des habits neufs. « Est-ce que je vous coupe votre viande, Caleb ?» proposa Fortune. « Avec votre bras abîmé, vous ne pouvez pas y arriver. »« Vous l'avez si bien cuite. Elle n'a pas besoin de couteau, » dit-il. Et elle eut l'air contente. Ça vous intéresserait pas de vendre votre cheval ? Demanda le frère de Fortune. Un homme qui passait m'a posé la question. Caleb secoua la tête. Si vous aviez un vrai bon cheval pour la première fois de votre vie, vous le vendriez ? Pas si j'étais obligé. Je suis pas obligé. J'ai jamais eu beaucoup de chance, sauf ces derniers temps, expliqua Caleb. J'ai travaillé à gauche et à droite depuis que je suis gamin. J'ai trouvé un filon à Grizzly Gulch, assez riche pour que les bandits s'imaginent que ça valait le coup de me détrousser. Fortune n'eut pas l'air surprise en apprenant qu'il avait découvert de l'or. Son visage irradiait l'approbation parce qu'elle était sûre qu'un homme aussi remarquable que Caleb finirait toujours par trouver ce qu'il cherchait. Son frère commenta sans jalousie. « Vous êtes devenu riche, eh bien, je suis content de l'apprendre. Et tout l'or du ravin ne m'aurait servi à rien si vous ne m'aviez pas recueilli, » rappela Caleb. Puis il commit une erreur. Il ajouta, « J'ai l'intention de vous payer pour ce que je vous ai fait. » Non, pour ce que vous avez fait, pardon. J'ai l'intention de vous payer pour ce que vous avez fait. « Non, » répondit Pete, offensé, « je gagne bien ma vie avec mon affaire. » Un des garçons cria dans la cour. « Eh pas ! Monsieur Hendrickson veut l'alezan !» Pete se leva en grommelant. « Il ne peut pas l'avoir s'il est sorti, hein ?» et traversa la route pour rejoindre l'écurie. Caleb et Fortune se retrouvèrent donc seuls dans la cuisine. Et Caleb avait envie de dire quelque chose de mémorable. Mais juste à ce moment, Fortune devint très ménagère. « Restez assis, » conseilla-t-elle, « pendant que je débarrasse la table. »« S'il vous plaît, » dit-il, « je voudrais vous aider. » Elle jeta un coup d'œil à son bras en écharpe et répondit avec le plus joli sourire qu'il ait jamais vu, « une autre fois, vous pourrez. » Et il sut qu'elle, contrairement à lui, avait dit quelque chose de mémorable. C'était l'esquisse d'une promesse. Il y aurait d'autres fois. Il voulut hurler de joie, mais il se contenta de sourire et tous deux se comprirent parfaitement. « Vous pouvez fumer si vous voulez, » proposa Fortune. Il alluma donc un cigare et admira ses talents de maîtresse de maison. Il y eut un rapide mouvement à l'extérieur. Il l'entrevit du coin de l'œil sans comprendre. Mais Fortune lança « Ça, par exemple !» Et elle lâcha son torchon et courut dehors. Caleb attendit intrigué, car il avait l'impression que rien ne s'était produit, sinon qu'un des garçons était passé en courant, et pourquoi cela l'aurait-il bouleversé ? « Elle materne ses gamins, » pensa-t-il, « elle materne tout le monde. » Il se rappela une petite fille dont il avait pensé la même chose, une enfant émaciée, sereine, qui s'était trouvée autrefois près de ce fort. « Ça ne peut pas être la même, » se dit-il. « Ils ne sont sûrement pas restés. Elle avait deux petits frères. Mais étaient-ce vraiment ses frères ? Ils auraient pu être ses neveux. Les relations entre les gens ne l'intéressaient pas ce jour-là, 10 ans plus tôt, alors qu'il avait lui-même 14 ans. Il ne voulait pas que Fortune soit cette petite fille devenue adulte. Il se rappelait l'époque et la fillette avec horreur. Il était si bouleversé qu'il se leva et fit les 100 pas dans la pièce en attendant le retour de Fortune. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Car quelque chose n'allait pas. Il pensait qu'elle avait pleuré. « C'est Basil. Des gamins nouveaux dans le coin se sont moqués de lui parce qu'il boite. C'est terrible. Ça arrive trop souvent. Ça le met en colère et il pleure, ce qui le met encore plus en colère. Mais vous l'avez consolé. » Elle secoua la tête. « Non, sauf si ça l'a aidé de passer sa colère sur moi. Il dit que c'est ma faute s'il boite. Et c'est vrai, je lui ai fait mal quand il avait 2 ans. » Puis elle se mit à pleurer, les mains sur le visage. Et Caleb eut envie de l'approcher, voulut la toucher, mais il savait qu'il n'en avait pas le droit. « Ce n'était pas votre faute, » affirma-t-il. « C'est impossible, vous ne feriez de mal à personne. » « Mais je lui ai brisé la jambe, » sanglota-t-elle. « J'aurais dû mieux faire les choses. » Caleb posa fermement sa main valide sur le bras de la jeune femme, même s'il n'en avait pas le droit. « Regardez-moi, Fortune, et arrêtez de pleurer. » Il savait à présent quelle était cette petite fille dont il se souvenait. Est-ce que c'était quand les Indiens sont venus et que vous avez caché les enfants dans un arbre ? Demanda-t-il. Elle hoqueta le dévisagea tremblante. Elle n'acquiesça pas, c'était inutile. Caleb ne serait donc plus un héros pour Fortune. À présent, il ne tuerait pas de dragon pour elle, parce qu'il avait été lâche quand il avait 14 ans et qu'elle avait gardé la tête froide au cœur du danger et qu'elle n'avait pas oublié, quand tout avait été terminé, de venir le réconforter. Caleb pensa sombrement. « Eh bien, je peux payer une partie de ma dette à Pete. La bonne action de Pete et la mienne devraient plus ou moins s'équilibrer. » « Appelez Basile, ordonna-t-il. Je veux lui dire quelque chose. Qu'est-ce que vous lui avez raconté toutes ces années ?»« Que pouvais-je lui dire ? J'ai jamais voulu lui faire du mal, mais je l'ai fait et il est boiteux pour la vie. » Il y avait au moins un dragon qu'il pouvait tuer pour Basile, pensa-t-il. Ensuite, il prendrait son cheval et partirait quelque part, loin du vieux fort qu'on appelait une ville aujourd'hui. Peut-être que la vérité aiderait aussi Fortune, mais elle ne serait pas bonne pour Caleb. Elle n'eut pas besoin d'appeler le garçon. Il entra en boitant et marcha jusqu'à la pompe de la cuisine pour y boire. « Va dire à ton père que je veux une voiture et un cheval attelé, » ordonna Caleb. « Le mien n'est pas habitué au harnais. Toi, Fortune et moi, on va aller faire un tour. Pourquoi ?» demanda le garçon en reniflant l'air inquisiteur. « Je veux te montrer un endroit et te raconter ce qui s'y est passé. » Caleb se retourna vers Fortune. « C'est à combien de kilomètres ? 16 ou 17 ?» Elle tremblait. « Je n'irai pas. Je ne suis jamais retournée là-bas. Je n'irai pas. »« Si, vous irez, » dit-il avec douceur, « parce que vous le devez. » Elle ne voulut pas s'asseoir à côté de lui dans le buggy et installa Basile entre eux. Caleb parlait des arbres et du soleil, mais personne ne lui répondait. C'était une longue chevauchée jusqu'à l'endroit où il avait parlé. C'était une longue chevauchée jusqu'à l'endroit dont il avait parlé et 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il l'avait vu. Mais il retrouva la piste des chariots envahis par les herbes. Il avait parcouru ce chemin à pied la première fois, tout d'abord kilomètre par kilomètre, au rythme lent de l'avancée des chariots vers l'ouest. Ensuite, tout seul, pour rejoindre un pré à la recherche d'une vache égarée. Il aurait pu reconnaître n'importe quel repère sur les centaines de kilomètres qu'il avait arpentés 10 ans auparavant. « Nous allons laisser le cheval ici, » dit-il, lorsqu'il eut trouvé l'ancienne piste des chariots. « Nous ferons le reste à pied. » Basile se mit à geindre. « Je ne veux pas. C'est là que les Indiens sont venus. » Caleb attacha le cheval à un arbre. « Tu te rappelles quelque chose de tout ça ?» Le garçon secoua la tête. « J'avais que 2 ans. Tu as déjà pensé à la chance que tu as de ne pas te rappeler tout ça ?» demanda Caleb. Il ouvrait la marche, suivant les vestiges d'un chemin rudimentaire. « J'ai 14 ans, » pensa-t-il, « et je cherche la vache de Monsieur Forsyth. Mais que cette vache égarée me concerne en quoi que ce soit, c'est pas. Oh là là là là. J'en ai encore pour... Faut que j'aille plus vite, je crois. Ça va ? Ah, tu fais l'hiver ? Pas de lumière ? Pas que cette vache égarée me concerne en quoi que ce soit, mais je veux que les gens du convoi sachent que je suis utile. Peut-être que l'un d'entre eux me prendra avec lui quand on arrivera dans l'Idaho. Parce que ma sœur Elsie va épouser ce type, Hankins, et qu'il ne m'aime pas. Il n'y aura pas de place pour moi dans leur maison quand ils en auront une. Derrière lui, Fortune dit d'un ton pitoyable « Pourquoi devons-nous aller à cet endroit ?» Pour voir que ce n'est qu'un petit pré avec rien dedans et pour raconter à Basile des choses qu'il ne sait pas. Il n'y avait rien de menaçant là-bas, rien de menaçant non plus qu'il n'avait filtré la première fois qu'il avait remonté cette piste. Mais il avait senti de la fumée cette fois-là. Et il avait vu la cabane détruite, carbonisée, et un homme mort, couvert de sang, étendu sur le sol. Caleb se tourna vers Fortune et demanda « Voulez-vous raconter à votre neveu ce qui s'est passé ici, ou bien préférez-vous que je le fasse ?» Elle ne répondit pas, se contentant de secouer la tête. « Très bien, je vais le faire, pour autant que je peux. » Basile, tu vois cette vieille souche brisée à droite de la cabane? Elle s'est cachée dans la souche avec vous deux. Il y a une fenêtre derrière la cabane. On ne peut pas la voir d'ici. Je pense qu'elle est sortie par cette fenêtre, pendant que les Indiens étaient occupés avec l'homme devant la cabane. Je n'ai jamais su qui c'était, continua Caleb, légèrement surpris. Je n'ai jamais demandé. Ça ne m'a pas non plus intéressé, admit-il pour lui-même. L'homme était mort et ça n'avait pas d'importance. Fortune dit d'une voix tendue, « Le frère de mon père. Il est sorti et ils l'ont tué. Ça m'a donné le temps de fuir par la fenêtre de derrière avec les garçons. » Elle regardait le sol à ses pieds, mais elle ne tourna pas le dos à ce lieu d'épouvante. « Elle aurait pu courir et se sauver, dit Caleb au garçon. » Mais elle vous a pris tous les deux avec elle et elle vous a déposé dans cette souche creuse avant d'y grimper à son tour pour se cacher. N'oublie jamais ça, mon garçon. Pendant que les Indiens étaient en train de tuer un homme à moins de 5 mètres de là, elle ne s'est pas enfuie pour sauver sa peau en vous abandonnant. Et elle n'avait pas plus de 12 ans à l'époque, à mon avis. Basile avait la tête penchée, mais il jetait des coups d'œil à la dérobée sur la cabane. En ruine, et la souche creuse que la pourriture avait fini par effondrer. Je lui ai donné de quoi réfléchir, se dit Caleb, quelque chose dont personne n'avait pris la peine de parler auparavant. Il ne parlait de tout ça que s'ils y étaient obligés. C'était un événement auquel il préférait ne pas penser du tout. Basile demanda : Et vous étiez où, vous ? Loin de l'autre côté, près de la rivière, avec un convoi de chariots, quand ça s'est produit. Personne ne savait que c'était en train d'arriver. On s'était arrêté le dimanche à la rivière pour que les femmes puissent faire la lessive et qu'on arrive au fort le lendemain. Je voyageais avec ma sœur aînée et ses enfants. Je suis venue ici à pied à la recherche d'une vache égarée. D'abord, j'ai senti la fumée. Puis j'ai vu le pré avec la cabane et un homme allongé là. Basile voyait ces choses, lui aussi, s'identifiant à cet autre garçon qui était devenu un homme nommé Caleb Stark. Basile demanda d'une voix étouffée, « Pourquoi vous vous êtes pas enfui ?»« Pourquoi ?»« Parce que... »« Oui, pourquoi ?» se demanda Caleb. « Je pense que c'était parce que je ne croyais pas à ce que je voyais. Le pré était si tranquille, si paisible. On n'entendait même pas une abeille bourdonner. C'était calme comme la mort. » « Tu comprends ?» ajouta-t-il avec ferveur. « On n'arrive pas à croire à la mort non plus la première fois qu'on la voit de près. » Le garçon cligna des yeux. « Comme quand je vous ai vu étendu dans le champ, j'ai cru que vous étiez mort. Et tu m'as touché pour pouvoir te vanter d'avoir touché un mort. Tu ne voulais pas, tu avais peur, mais tu l'as fait. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Sauf que quand tu l'as fait, tu as vu que le mort respirait et tu es allé chercher ton père. » Basile hocha la tête et se sentit une sorte de héros. C'était un peu comme ça pour moi ici, au bord de ce pré. Quand j'ai commencé à croire à ce que je voyais, j'ai eu peur. J'ai voulu m'enfuir. J'allais me mettre à courir pour fuir cet endroit. Mais il y a eu un petit bruit venant de là et à droite, un tout petit bruit dans le silence mortel. J'ai cru que c'était un Indien blessé et j'ai pensé que s'il était blessé, je pouvais le tuer. Et j'aurais eu de quoi me vanter en rentrant au campement. Parce que Dieu sait, s'exclama Caleb, que j'avais jamais eu rien eu dont je pouvais me vanter ni être fier. Et il était temps que ça arrive. Alors j'ai crié quelque chose, une sorte de défi. Je ne sais plus ce que c'était. Fortune parla d'une voix calme. Vous avez dit. « Bon sang, je vais tirer !» Et je ne pouvais plus garder ma main sur la bouche de Basile parce qu'il m'avait mordu et il a crié. Et ensuite, vous vous êtes approché et vous nous avez aidé à sortir de la souche creuse. Caleb dit au garçon, « Combien d'heures est-elle restée là-dedans, coincée avec vous deux? Sa main sur votre bouche pour vous empêcher de crier et de ramener les Indiens qui vous auraient tous tués. Elle était tellement ankylosée qu'elle ne pouvait plus sortir. J'ai trouvé une hache avec la poignée à moitié brûlée et j'ai fendu la souche par le côté avant que vous puissiez sortir. J'avais si peur que je ne voyais même pas correctement. C'est un miracle que je ne vous ai pas tranché en morceaux avec cette hache. Il se sentait baigné de honte, comme toujours, en se rappelant à quel point il avait eu peur, à quel point il était terrifié et à quel point cette petite fille était calme et sensée, lui disant quoi faire tandis qu'elle gisait étendue sur le sol où elle était tombée en sortant de la souche. Elle essayait de remuer ses jambes ankylosées et son visage grimaçait de douleur, mais elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas pleuré un seul instant et elle avait pensé à tout. Caleb expliqua. La première chose qu'elle ait dite, c'était « Va chercher de l'eau pour les petits ». Je ne voulais pas m'arrêter pour ça. Je voulais quitter cet endroit et rejoindre un lieu sûr. Mais elle a dit « Va chercher de l'eau pour les petits » et m'a indiqué où se trouvait la source. Alors, j'ai rapporté de l'eau dans mon chapeau et elle a attendu que vous ayez bu avant de boire elle-même. Je l'ai haï à chaque pas, se souvient-il, parce qu'elle me retardait. J'ai bandé mes muscles, m'attendant à recevoir une balle tirée des broussailles ou à entendre un cri d'Indien et la mort juste derrière. Et j'ai voulu partir tout de suite, attraper un des deux gamins et prendre mes jambes à mon cou ou même vous laisser sur place. Ça m'était égal. Mais elle a dit « Basile est blessé » et j'ai vu que ta jambe était toute tordue. Tu essayais de ramper, mais tu n'y arrivais pas. Et ton frère et toi, vous hurliez à la mort. J'ai pensé que vous alliez rameuter les Indiens à coup sûr. Elle a dit, « Il va falloir que tu soutiennes sa jambe avec une attelle pour pouvoir le transporter. Trouve un bâton et attache-le. » Elle a même pensé à ça et me l'a demandé alors qu'elle était en train de me masser, ses jambes ankylosées. J'ai trouvé un bâton droit, mais ensuite je ne savais pas avec quoi l'attacher. Et elle a déchiré la chemise de ton frère et on a fait tenir la telle comme ça. Elle a taché le tissu de sang tellement tu l'avais mordu fort. Quand elle a été capable de marcher, elle a traîné ton frère par la main et moi je te portais, ainsi que mon fusil. Et on avançait aussi vite qu'on pouvait en suivant la piste pour fuir cet endroit. Fortune murmura. Ensuite, on a dû se cacher. Encore une chose que Caleb détestait se rappeler. Autant qu'il haïssait l'idée qu'elle s'en souvienne. « J'avais tellement peur, commença-t-il lentement. On entendait des voix d'hommes devant nous sur la piste et je ne pouvais plus bouger. J'étais si lâche que je ne pouvais plus avancer ni penser. Je suis juste restée là sans bouger, avec toi dans les bras, attendant que quelqu'un vienne me tuer. » Fortune dit d'un ton vif. « Absurde, c'est moi qui étais terrifiée. J'ai dit « cachons-nous » et c'est ce qu'on a fait, dans les broussailles. Mais ce n'étaient pas des Indiens, c'étaient des hommes du convoi. « J'ai été lâche, » répéta Caleb. Mais ensuite, ça n'avait plus d'importance, parce qu'ils se sont dépêchés de nous emmener. « Voilà, petit, tu peux être heureux de ne rien te souvenir de tout ça. » Caleb tourna les talons abruptement et remonta le chemin, longeant les ornières envahies d'herbe, loin du pré tranquille où la terreur et la mort avaient régné longtemps auparavant. En rentrant au vieux fort, Fortune accepta de s'asseoir près de lui dans la voiture, les mains sur les genoux. Au bout d'un moment, elle dit « Ce n'était pas tout. Vous m'avez donné votre manteau et je crois que c'était le seul que vous aviez. » Caleb haussa les épaules. « Ma sœur m'en a fait un autre. » Il se rappela ce manteau de Fortune avec un sentiment de honte. Il avait été taillé dans une courte pointe en patchwork déchiré. Il l'avait porté quand il y était obligé, pendant le reste du chemin jusqu'à Idaho. Et plus d'une fois, il était resté à frissonner dans le froid plutôt que de le mettre. Certains des colons avaient ri et d'autres avaient essayé de le réconforter, ce qui était pire. Ils l'appelaient la tunique de plusieurs couleurs de Caleb. Il disait que les lys des champs n'étaient pas aussi bien vêtus que Caleb. « J'ai 15 000 $ à la Wells Fargo », se rappela-t-il. Mais cela n'effaçait pas le souvenir amer du manteau aux couleurs criardes qui avait remplacé celui qu'il avait donné. « Fortune », dit brusquement. « Basile, il ne t'a pas dit toute la vérité. Ce garçon qui nous a sauvés, j'ai jamais su son nom jusqu'à aujourd'hui, n'était pas un lâche. C'est le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Il aurait pu s'enfuir. Personne ne l'aurait jamais su. Personne d'autre que lui, en tout cas. Mais il est resté et il nous a sortis de là. Des gens nous ont accueillis dans leur chariot pour la nuit. Et un homme qui connaissait un peu de médecine a soigné ta jambe aussi bien qu'il a pu. Et ils nous ont nourris. Mon père était en route depuis le fort. On l'a rencontré à mi-chemin. Oncle Will et lui y allaient pour vendre du foin. C'est pour ça qu'on était dans le pré. Juste avant que le convoi de chariots se mette en route pour le fort, Caleb a vu que j'avais froid et il m'a donné son manteau. Je l'ai toujours. Quoi ? Dit Caleb. Je l'ai usé jusqu'à la corde parce qu'on n'avait pas grand-chose en ce temps-là. Mais je l'ai toujours. Ce qu'il en reste, c'était quelque chose. Un souvenir de vous. Caleb dit d'une voix douce. Eh bien, Fortune. Ensuite, plus personne ne dit rien le reste du chemin jusque la ville qui avait été un fort. Ce matin frileux, longtemps auparavant, si froid avant le lever du soleil, il portait son manteau brun usé tandis qu'il harnachait les chevaux. Le campement se réveillait, se préparait au départ, et il avait l'impression que tout le monde le regardait. Il n'était pas un héros, juste un garçon dont personne ne voulait, qui avait ramené d'autres enfants désespérés dont personne ne voulait et dont quelqu'un allait devoir s'occuper, du moins temporairement. Les gens pensaient qu'il avait attiré les Indiens sur leur piste. Les hommes avaient monté la garde toute la nuit et personne n'avait beaucoup dormi. Monsieur Forsyth s'était approché de lui, traînant les pieds et la mine triste. « Je suppose que tu n'as pas trouvé ma vache. »« Je ne l'ai pas vue », avait admis Caleb. Forsyth avait soupiré et était reparti de son pas traînant, sans même le remercier d'avoir essayé, lui donnant juste l'impression que personne ne s'attendait à ce que Caleb m'aide à bien quelque chose d'aussi simple. Caleb s'était demandé, tout en travaillant, ce qu'il allait faire en arrivant dans l'Idaho. Et il n'y aurait pas de place pour lui dans la maison de sa sœur. Et Caleb avait une piètre opinion de ses propres capacités. Personne ne lui avait jamais laissé entendre qu'il avait de quelconque aptitude. Il était petit pour son âge, il n'avait pas fini de grandir, et ça allait être un handicap pour trouver du travail. Il était plus malheureux qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie quand la fillette était sortie de derrière le chariot pour venir vers lui. Son visage était propre, ses cheveux coiffés et tressés, mais elle portait la même robe tachée et déchirée et elle frissonnait, en serrant son buste de ses bras, sans dire qu'elle avait froid. Quelqu'un avait bandé sa main d'un chiffon propre là où le petit l'avait mordue. Caleb la regarda avec répulsion. Les gens du convoi le blâmaient parce qu'il s'inquiétait des Indiens. Lui n'avait personne à blâmer, sauf la fillette dont il ne connaissait pas et ne voulait pas connaître le nom. Elle avait dit poliment « Je voulais te remercier ». Il avait haussé les épaules, ne sachant pas quoi répondre. Il la détestait parce qu'elle était terriblement dans le besoin et que son avenir paraissait sombre, mais qu'elle n'avait peur de rien. Dans la lumière montante de l'aube, elle s'était approchée de lui. Avant qu'il ait pu deviner ses intentions, elle avait pris son visage renfrogné entre ses mains et l'avait embrassé sur la joue. Il avait fait un bond en arrière, essuyant furieusement sa joue, et avait demandé « Mais pourquoi t'as fait ça ?»« Je ne sais pas », avait-elle répondu, puis elle s'était détournée. C'était à cet instant qu'il n'avait plus été capable de supporter de la voir trembler. Il avait ôté son vieux manteau brun et le lui avait lancé. « Mais ça » avait-il grogné. Elle avait hoché la tête et continué à s'éloigner, tout en glissant ses bras minces dans le vêtement. « Tu vas voir, » avait-il grommelé, « je reviendrai un jour et tu verras. » Elle verrait quoi ? Eh bien, qu'il valait quelque chose, même si elle ne le pensait pas, même si elle était venue l'embrasser comme s'il était un bébé dont on devait avoir pitié. Dans la ville, qui n'était plus un fort, Caleb s'arrêta devant la maison Wilson. Il aida Fortune à descendre et ordonna « Basile, ramène la voiture à ton père. » Puis il resta debout à contempler le visage serein de Fortune. « Pourquoi, demanda-t-il, m'avez-vous embrassé il y a si longtemps ?»« C'était tout ce que j'avais à vous offrir, » répondit-elle, « comme le manteau était tout ce que vous aviez à m'offrir. » Caleb hocha la tête. Il aurait dû comprendre ça depuis le début. « Les années écoulées ont été difficiles, » dit-il. « Les années à venir seront meilleures. » Il était presque sûr de ça, mais il en fut totalement certain quand elle posa ses deux mains dans la maison. Oh, dans la maison. Quand elle posa ses deux mains dans la main tendue du jeune homme et répondit « Mais oui, Caleb, bien sûr qu'elles le seront. » « Eh oui, oui, voilà cette, une histoire d'amour pour terminer cette histoire de western. » Et puis, bon, moi, je vais vous laisser toujours avec Ennio Morricone. Hein. « Once upon a time in the West final. » Allez, final, final. On va dire comme ça. Passez une bonne semaine sur Radio Gémozo. À tout bientôt.